jours après le duo piano contrebasse constitué de Kitté Montoliu et NHOP, je propose un deuxième, je devrais dire en fait le deuxième duo vraiment solide. Il s'agit de Abdoulaye Ibrahim au piano et Johnny Dayani à la contrebasse. C'est également, à ma connaissance, le seul duo de musiciens sud-africains, le seul duo piano-contrebasse. Il n'y a pas, les musiciens africains sont peut-être nombreux, mais en tout cas pas très très connus à l'extérieur. C'est de là qu'on constitue vraiment un contre-exemple. Dayani a été énormément tourné en Europe et a fait la plus grande partie d'ailleurs de sa carrière en Europe. Et pour ce qui est d'Abdoulaye Ibrahim ou de Larbrant, il a également beaucoup joué en Europe et aux États-Unis. Voilà, donc je vous propose un morceau assez long, très très cool, qui est issu d'un disque assez fabuleux qui s'appelle Echoes from Africa. Bala Sibiza, Batimasi go together. Bala Sibiza, Batimasi go together. Go by Kaya, Baya Jabu Lavazaliba. Masi go together, Masi go together. See Africa Kaya, Baya Jabu La. See Jabu Lingana. Siya jabula, baya sibiza, masi go tugeni wo, namhlanje siya jabula. Thank you. Oh, yeah. Hey, yo! Fait des disques sous son nom, pas beaucoup, 5, 6 ou 7. Il a également, dont le fameux, d'ailleurs, je voulais dire, dont le fameux Wichtetter Son, qui est absolument phénoménal, avec un saxophoniste, lui aussi sud-africain, qui s'appelle Dodou Boukwana. Et par contre, Abdoulaye Ibrahim, lui, a une discographie beaucoup plus fournie. Il a dû faire, je ne sais pas, une 50 ou 60 albums. Et c'est beaucoup plus, il vit toujours et il joue toujours d'ailleurs. Voilà, donc le morceau lui s'appelle Manangé et c'est le morceau numéro 1 donc, de l'album Echoes from Africa. J'espère que ça vous a plu, je vous dis au revoir.